Chapitre 12. Je vous ai raconté bien des douleurs durant cette longue histoire, parce que c'est une histoire vraie. Je voudrais, pour reposer votre cœur s'il a été un instant ému, vous montrer Clotilde heureuse et aimée. Mais comme je ne fais point un roman, comme je n'arrange pas à ma guise les événements qui m'ont été confiés, je vais mettre sous vos yeux les misères du cœur et le néant des affections humaines. On l'a dit, la vie est toute dans ce qui n'est pas encore, et dans ce qui n'est plus, désir et regret. Quand un amour a lutté, quand il a été traversé de crainte et d'angoisse, l'âme s'épuise dans la lutte, le cœur s'affaisse, et il ne peut plus se passionner pour le bonheur. Et quand un amour recueille à sa naissance des moissons de joie et d'allégresse, il s'éteint bientôt, car l'homme veut craindre et souffrir pour attacher du prix à sa possession. Ces tristes vérités ne sont point un plaidoyer contre l'amour, non. Le bonheur existe dans l'union des âmes. Mais là comme ailleurs, rien n'est vrai si rien n'est calme. Edmond avait donné toute sa passion à la douleur, et quand vint le moment du repos, les joies du cœur étaient perdues sans retour. Pour qu'on juge bien de l'état d'Edmond, nous allons donner ici une lettre qu'il écrivait à Bronislas. « Mon cher ami, je ne t'ai pas écrit depuis un mois, parce que les jours qui ont suivi mon mariage n'ont été que fêtes et représentations. Tous les châteaux environnants sont venus complimenter ma femme, et tout le monde a voulu la recevoir à son tour. Clotilde est charmante, elle est plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Mais elle a une tristesse qui me désespère. Elle ne me trouve ni assez empressée, ni assez amoureux. Elle ne m'aborde que pour se plaindre. Elle voudrait que je fusse sans cesse à ses pieds, et que je lui prodiguasse à chaque moment toutes les exagérations de la passion. Dis-moi si c'est possible. J'ai trop souffert pour qu'il y ait encore en moi de l'exaltation. L'homme est borné, l'amour a ses limites. Je me survis à moi-même et c'est un miracle de n'avoir pas succombé dans la lutte. Mais les femmes ne comprennent pas cela. Elles qui ont une imagination qui remplace le cœur, qui remplace l'esprit, qui peut tenir lieu d'affection. Elles veulent qu'on les aime toujours de même. Certes, j'aime Clotilde. Mais j'en suis arrivé à ce moment de la vie dont l'amitié est le premier besoin. Je voudrais que ma femme fût une amie pour moi, et elle veut, elle exige que je sois un amant pour elle. Vois-tu, Bronislas, les chagrins vieillissent les hommes, mais les femmes ne vieillissent jamais. Clotilde, après tous ses malheurs, est aussi jeune de cœur, c'est-à-dire d'imagination, que le jour où je la vis pour la première fois. Elle veut faire de moi un homme passionné, et je suis courbé sous les épreuves de la vie. Elle veut faire de moi un homme amoureux, et il ne me reste plus que la vertu du dévouement et de l'amitié. Clotilde dédaigne ce que je peux encore donner et court sans cesse après une illusion. Hier, nous devions aller au bal. Ma femme avait fait une de ces toilettes qui sont un travail et une étude. Malgré sa toilette, elle était belle encore. Mais je ne pus le lui dire car ses fleurs, ses pierreries, ôtent toujours du charme à la femme qui vous plaît. Mais voilà encore une de ces choses que les femmes ne comprennent pas. Clotilde, enchantée de sa parure, m'interrogea du regard. Et comme elle me vit très froid et très peu empressé pour sa robe, elle se mit à pleurer. « Allons, vous êtes une enfant, » lui dis-je. « Partons pour le bal, vous vous consolerez. »« Non, » reprit-elle, « rien ne peut me consoler de votre indifférence. » Sur cela, elle alla s'enfermer dans sa chambre et revint 2 heures après les yeux très rouges. Ces scènes-là, mon ami, se répètent tous les jours. Je n'y puis rien. Je suis sans courage pour repousser les plaintes, les reproches de Clotilde, et sans force pour les supporter. Pourquoi les femmes ont-elles exclu la bonté de l'amour? Clotilde, si bonne, si affectueuse pour tout le monde, est sans pitié pour moi. J'espère que le temps apportera quelques modifications dans son caractère, mais en attendant je souffre, et elle aussi. Le baron est toujours parfait pour nous. Il a adopté Clotilde, et lui a donné son nom, et lui laissera toute sa fortune. Nous serions heureux, mais le bonheur est en nous ou n'est pas. Les événements peuvent être un obstacle au bonheur, mais notre caractère est le plus souvent l'impossibilité du bonheur. Ne me fais pas l'injure de croire que le mystère qui enveloppe la naissance de Clotilde ait la moindre influence sur moi. J'ai tant aimé Clotilde, je l'aime si bien encore, que je suis heureux de tout ce que je puis lui donner en dévouement. D'ailleurs, tu connais mon opinion sur le préjugé qu'on appelle la naissance, et mes idées sur la famille. Il n'y a de réel que ce qui vient du cœur. Il n'y a de distinction que celle qui nous vient de notre intelligence et de notre âme. Quand ma femme pourra s'habituer à mon amitié, nous serons heureux, car alors elle deviendra bonne pour moi. » Edmond, comte Ostrorog. Edmond avait raison de compter sur le bienfait des années. Peu à peu, Clotilde devint moins amoureuse, moins passionnée, surtout moins exigeante. Elle comprit enfin que les hommes aiment mieux notre bonté que notre amour, nos soins de chaque jour que notre beauté. Elle comprit tout cela, dis-je, après quelques tristes épreuves. Elle devint donc bonne, toujours bonne et aimable, et elle fut presque heureuse. Ainsi s'achève Hélène Ostrorog, nouvelle polonaise du XIXe siècle, par Olympe Chautsko.